وطبعا من شروط هذا الذبح عندنا في الإسلام أن يسمى الله عليه كالله سنومه ولا تقولوا مما لم نذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. وهذا ذبح لا يقبل الا من مسلم مسلم حتى لو كان غير بالغ c'est pas un short qu'il soit adulte ça peut être un homme ça peut être une femme et également de kitabi comme vous le savez. اليوم احلت لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Aujourd'hui les bonnes choses vont être rendues permises ainsi que la nourriture des gens du livre. Et la nourriture dans le verset وطعام الذين اوتوا الكتاب c'est ذبائحهم comme l'a expliqué Ibn Abbas dans le tafsir, c'est leurs sacrifices, car à la base en dehors du sacrifice tout est halal. Ce que eux mangent on le mange, les fruits, les légumes, voyez, tout ça c'est pareil. Donc là c'est le maqsoud min hadhihi al-aya wa dhabahuhum. Donc après il y a eu un khilaf بالنسبه التسميه هل يقبل ذبح الكتاب مطلقا. Il y a eu différents khilaf par rapport à ça. C'est quoi qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plutôt on va dire valide dans le ذبح du kitabi, est-ce qu'il doit nommer Allah azza wa jalla dessus comme nous, ou alors ce qu'il est égorgé, c'est valable. وَالصَّحِيَ أَنَّهُ يُشْتَرَتْ التَّسْمِيَةِ qui nomme Allah Azza wa Jalla dessus. Eh, بِلُغَتِيمَ مَا يَلْزَمْ نَيَكُنْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَصْلًا هُمَا يَتَكْنُمْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. Les juifs, ils parlent en عِبْرَانِيَة, l'hébreu, et les autres, ils parlent en عَمْتِ. لكن يعتبر من اسماء الله في لغتهم عندهم. اما لو مثلا ذبحوا لي باسم عيسى او باسم غير الله فلا فلا. Donc faut que ce soit un kitabi. C'est quoi un kitabi? C'est pas forcément toute personne qui se dit je suis nasrani ou yahoudi. C'est celui qui التزم بديني. Celui qui التزم بديني. D'accord? Parce que déjà maintenant aujourd'hui tout le monde est chrétien, tout le monde est juif, tout le monde est musulman. On dit même chez eux. C'est pas toute personne qui vient avec une croix autour du cou, on considère comme étant nasrani. On peut avoir dit qu'elle aime, tu khalifes, dit dina ou tamaman, ma yukbel minou. D'accord? C'est pas un nasrani par coutume. C'est un nasrani, il a un peu akida, le akida de l'kitab. Et il se tient à son livre. Comme le musulman avec l'islam, d'accord? C'est pareil. C'est pareil. Car des fois, des gens ont fait des choubahettes, مثلا en France. En disant que tout ce qui provient des restaurants en France, comme c'est sont des nasara à la base, alors c'est halal. Tu vas au McDo, c'est halal. Tu vas au Quick, c'est halal. Tu vas à Flunch, c'est halal. Tu vas à Popotamus, c'est halal. Tu vas à Kaza, Kaza, c'est halal. On dit la Mawa, Kaza. D'accord? Ces gens-là, à la base, même s'ils vendent de la viande, tu sais pas d'où ils l'ont prise la viande. Tu n'as aucune preuve que ce sont des gens du livre qui l'ont égorgé. Et généralement, c'est du commerce, tijara, c'est pas ibadah. Donc leur viande, elle n'est pas halal. D'accord? Ils l'abattent pas, ils le tuent avec le kahraba. Adam ma'aruf. Donc, les gens doivent arrêter de jouer avec ça, dire, ouais, c'est des kitabis, je mange. On dit là. Et même aujourd'hui, la France, adatuhum nasraniya, c'est ce qu'ils appellent des origines judéo-chrétiennes. Mais en réalité, les gens sont peu du tout attachés au kitab. D'accord, la plupart des Français arrivent, vont se dire souvent athées. Ou alors nasrani akada lakin ala tariq. Une chrétienté vraiment voilà quoi. Vraiment frais de chez frêle. Il accepte tout, le shirk. D'accord, le kufr, mais il dit je suis chrétien. On dit là, bah c'est comme ça. C'est comme pour le zawaj. Tu maries pas qu'une femme, elle dit chrétienne, elle a rien à voir avec son livre. Là, c'est pour ça qu'elle dit je suis chrétienne, j'ai une croix autour du cou. Et je m'appelle Marie. C'est bien, mais voilà. Ma yakfi, elle. D'accord ? Vous soyez une nasraniya. Il y en a encore des, comme ça, mais ils sont rares. Ils sont rares. D'accord ? Ils sont rares. Donc, c'est short. D'accord ? Déjà qu'il y a du tala'oub avec les viandes des muslimines. d'une part, un chez nous, ils sont pas sincères, ils sont pas véridiques, alors que dire d'aller chez eux. Donc celui qui veut manger de la jambe, la viande des jambes du livre, par exemple, tu vas chez les Yahoud, dans leur kasher, ouais, ça c'est, tu peux acheter. Les Yahoud là-dessus, ils sont stricts. D'accord, ils sont stricts. Je parle de Yahoudi, quand même, je parle pas des, pareil, des Larabines. Tu vas dans leur boutique kasher, tu peux acheter. Là, tu sais que c'est égorgé, alors t'as des corps à eux, d'accord. Sauf qu'ils ont fait en plus, je crois que leur rabbin, il fait un doigt en plus dessus, bon, ça, un balibi. Un mché, il est égorgé, au nom d'Allah. Et ça, normalement, c'est comme ça qu'ils font. Même le Nassara, c'est comme ça qu'ils faisaient avant. Maintenant, ils le font plus. Ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. À part certains d'entre eux qui sont encore restés accrochés. Donc, c'est pas... ne pas dire la France, elle est chrétienne, donc ce qui vient de la France, c'est halal, on dit là. La France n'est plus chrétienne, d'ailleurs. D'accord. Elle a des origines, mais elle n'est plus chrétienne. Alors, elle est laïque. Elle est laïque, la France. On peut pas être laïque et chrétien. C'est deux choses totalement différentes. La laïcité est une chose qui n'a rien à voir avec la religion. Tout mutadayyin la yakbel al-ilmaniya. Toute personne qui est accrochée à un dit ne peut pas accepter la laïcité. Le yahoudi ne peut pas l'accepter. Le nasrani ne peut pas l'accepter. Et le musulman non plus. On ne divise pas les choses de la religion. Tout, c'est la religion qui dirige. Tout. D'accord ? Tout. Mahyaya, ma vie, ma mamati, et ma vie, non, mahyaya, mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent, donc ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, qui n'a pas d'associé, et c'est ça qui m'a été ordonné, je suis du nombre, je suis le premier des musulmans. Hadhihi al-aya bidhatiha, confirme ce qu'on vient de dire. Le verset confirme qu'il n'y a pas de laïcité chez nous. Ta vie et ta mort appartiennent à Allah Azzawajal. Donc on ne différencie pas ça et ça. Le musulman, il est musulman partout. Au travail, à la maison, au sport, encore au masjid, partout on est pareil. Sauf qu'il y a des endroits, juste on peut les faire, d'autres on ne peut pas les faire. Mais où qu'on soit, l'aqida est la même, et le halal et le haram sont les mêmes, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas un uniforme qu'on met à une certaine heure et on enlève à d'autres. Muslim, il est musulman. Et on doit mourir en étant musulman, tu peux mourir n'importe quand. Comme on dit, voilà, tamutunna illa wantum muslimun. Donc c'est au travail, tu dis non, quand je travaille, je suis plus musulman, je suis un ouvrier comme tout le monde. T'es un ouvrier musulman. Est-ce qu'il y a haram en du travail? Le sera pendant le travail. Est-ce qu'il y a halal en dehors du travail? Le sera pendant le travail. C'est nefs, il n'y a pas de farc. Donc le verset, là, le montre bien. Ta vie et ta mort appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala.